là, faut reconnaître, c'est plus facile pour moi. Bonsoir, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 655. Nous sommes le 3 décembre 2025, donc l'année est presque terminée. L'album de la semaine, c'est l'Anthologie 4. Je sais, la semaine dernière, nous avons diffusé tous les Beatles dans l'Anthologie 4, mais il en restait. Alors, cette semaine, il y aura non seulement l'album de la semaine, donc les 6 extraits de l'Anthologie 4, mais même toutes les chansons en fait des Beatles seront extraites de l'Anthologie 4, sortie en 2025. Qu'est-ce que l'Anthologie 4? Eh bien, c'est pour fêter les 30 ans des Anthologies, sortie en 1995, la première. Ils ont remasterisé tout ça avec un son encore meilleur, avec aussi le truc qu'on attendait, nous, les fans, on va dire. Quand ils ont sorti Free as a Bird, c'était superbe. Quand ils ont sorti Real Love l'année suivante, en 96, c'était extra. Et quand ils ont sorti Now and Then, on s'est dit, oh, ce serait bien si on pouvait mettre Free as a Bird et Real Love à la même hauteur que Now and Then au niveau de la voix de John Lennon. Ils l'ont fait. Et rien pour ça, déjà, ça vaut le coup. Mais on écoutera plein de chansons. Je vais vous en citer, allez, je crois qu'il y en a 16. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y aura I Saw Her Standing There, la deuxième prise. Il y aura Money, That's What I Want. I've Just Seen a Face, la troisième prise. If I Fell, la onzième. Matchbox, la première. Every Little Thing, c'est un combiné de la prise 6 et 7. Oui, parce qu'ils ont fait des petites entorses, ce n'est pas que les prises nettes. De toute façon, il faut voir cette anthologie comme les Beatles, comme si vous étiez dans le studio. C'est les Beatles vivants, c'est les Beatles pas encore inoubliable, puisque c'est la version finale qui sera inoubliable. Bref, ça va être très, très, très bien. C'est jusqu'à 22h, c'est la saga des Fab Four spéciale Beatles Anthologie numéro 4. I Saw Her Standing There, la deuxième prise. Alors que le deuxième single, Please Please Me, montait vers la première place dans les charts, le groupe a fait une cinquième visite au studio EMI en février 63. Leur tâche était de faire un album en enregistrant 10 chansons en plus de celles déjà publiées sur les deux singles. À cette époque, on attendait d'un artiste qu'il complète plusieurs chansons en une session de 3 heures. Il était rare de cumuler 3 séances la même journée. Mais le groupe avait peu de temps à perdre. Il sillonnait le pays derrière une jeune chanteuse de 16 ans nommée Hélène Shapiro. I Saw Her Standing There est un essai sans les claquements des mains. Et c'est ça la grosse différence que l'on entend. Elle est bien, hein, cette version. Mais avec les claquements des mains, c'est encore mieux. Ok, go on. Oh. Take two. I got one, two, three, four. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. Now, how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. seulement 8 ans plus tard. 1971, déjà une vie derrière lui, Paul McCartney, la vie des Beatles. Il l'a provoqué, non, il l'a pas provoqué, mais il a participé. C'est lui le premier qui a signalé que les Beatles n'étaient plus ensemble. Et il se cherchait une nouvelle voie en 1970-1971. La voie n'est pas la voie, la parole, mais la voie, une route, quoi, si vous voulez. Et pour enregistrer cet album, Wildlife, il avait entendu dire que Bob Dylan avait enregistré un album en 15 jours. Il s'était dit, bah, puisqu'il l'a fait, je vais faire la même chose. Du coup, cet album-là et ces chansons-là sont assez brutes de décoffrage, mais pourtant, même dans un album qu'on pourrait considérer améliorable, pourrais-je dire avec des guillemets, il y a des perles, il y a quand même Dear Friend sur ce bel album. Ah, ça réveille. Le pouvoir au peuple, c'est John Lennon qui le chantait. En 1971 également, c'est un single. Vous êtes sur RIG, c'est la saga des Fab Four numéro 655. trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.net. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos quatre amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Sentimental Journey de Ringo Starr en 1970, extrait de l'album éponyme, donc du même nom, Sentimental Journey. Ringo Starr a beaucoup travaillé en 1970, il a sorti deux albums, plus il a participé aux albums de ses collègues, sauf celui de Paul McCartney, qui, je vous l'ai dit quelquefois, de saga en saga, que jusqu'en à peu près 1973, Ringo Starr, John Lennon et George Harrison en avaient après Paul McCartney. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il avait raison, Paul, bien sûr, et ils sont redevenus finalement progressivement copains. Donc, c'était Sentimental Journey, et auparavant, justement, George Harrison, sur l'album extraordinaire qui s'appelle Living in a Material World, et cette chanson très aérienne, très sympa, Don't Let Me Wait Too Long. On revient à l'album de la semaine qui est vraiment... Il y a plein de chansons, il y en aura 16, et non pas 6 comme d'habitude. On est toujours dans les débuts du groupe avec ce titre, Money, That's What I Want. 14 chansons ont été sélectionnées pour leur deuxième album, With the Beatles. Ce titre, initialement de Berry Gordy, avait été conçu comme une blague, mais qui avait un certain sens du réalisme. Bien que la version de Barrett Strong n'ait pas été un succès au Royaume-Uni, j'allais dire États-Unis, non, au Royaume-Uni, elle a été reprise par beaucoup, dont les Rolling Stones. Les Beatles en ont fait une version énergique avec des riffs de piano doublés par George Martin. Ici, c'est la version du groupe seul en studio que l'on entend sur RG. Money, RM7. this ever-changing world in which we live in makes you give in a lie. To live and let die. Et je vous conseille la version de 1976, la version de Wings Over America de cette chanson, la Soily. Là, c'est la version de One Hand Clapping, sortie sur l'album le coffret Wings, si vous voulez le savoir, en 2024. Il existait une version studio, mais qui était pas toujours facile à trouver. Et la version de 1976, c'est une tuerie, parce qu'on entend Paul faire « Oh yeah, oh yeah, oh yeah !» Oh là là, j'ai des frissons. Rien qu'à me souvenir de ça, j'ai presque envie de vous la passer. On retourne du côté de l'album de la semaine, ce fantastique Anthologie 4 que j'ai envie de vous faire acheter avec I've Just Seen a Face. Là, on rentre plus dans le début du groupe, mais dans la maturité, dans l'acoustique et des très très bonnes chansons. De toute façon, ils s'éloignent de ce que faisaient les autres. Ils font du Beatles, comme on peut dire. I've Just Seen a Face, la troisième prise. En 1965, Paul a présenté cette chanson comme étant légèrement country et western de son point de vue. John a plaisanté en disant que Lonnie Donegan, le chanteur de Rock Island Line, aurait sûrement aimé la chanter. Sur cette troisième prise, que l'on va écouter dans une seconde et demie, Paul est sur la troisième piste d'un enregistrement en quatre pistes. Et oui, au début, quatre pistes. Maintenant, on a un million de pistes, et certains font du Jul ou du Nya que moi. Mais lui, au moins, eux, les Beatles, ils faisaient de la très très bonne musique avec très peu de moyens finalement. Mais on était dans les années 60. 3. Lights on. Lonnie's gonna regret not singing this one. Okay, start. Okay, 1, 2, 3. Oh, sorry, I bumped. 1, 2, 3. I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been a word. But as it is, I'll dream of her tonight. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I'm falling. And she keeps calling me back again. I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. I'm falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Vous avez bien remarqué que, à part la petite erreur de John qui s'est planté au début et il recommence, le morceau était déjà en place. Les Beatles étaient un groupe très au point, on va dire. Même s'ils se cherchaient. Là, avec l'anthologie 4, même toutes les anthologies, on peut le dire, on est au milieu du groupe, on est en train de les voir tenter des choses. Alors, pas toujours, hein, là, le morceau est en place, mais quelquefois, ils tentent quelque chose, ils essaient, c'est un groupe jeune qui est créatif et qui vaut le coup d'entendre, même 60 ans après, c'est dingue, 60 ans. Dire que quand j'ai commencé l'émission, le groupe était séparé depuis 14 ans, ça me paraît complètement fou. Allez, encore les Beatles, If I Fell, la prise numéro 11, et Matchbox, la prise numéro 1, à la suite, sur RIG, dans la saga des Fab Four. Take 11. Yeah, we're on the air, folks. Come on. If I fell in love with you, what? If I fell in love with you, would you promise to be true? And help me understand. 'cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, take one. Okay. Moi, première prise, c'est bon, hein, c'est dans la boîte. On enchaîne avec la suivante. Non, on retrouve, j'allais dire John Lennon, non, Ringo Starr, quelques années plus tard, en 1974, sur le très bon album Goodnight Vienna. Et cette reprise des Platters, différente de la version des Platters, Only You and You Alone sur RIG. RIG 90.7, c'est la radio. The Beatles. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can fill me like you do and fill my heart with love. Vienna, on Apple Records and Tapes. Thanks, John. It's a pleasure, Ringo. Un petit coup de main de la part de John Lennon pour son pote Ringo en 1974. On nous retourne du côté de l'album de la semaine, l'album Anthologie 4, sorti en 2025, donc là, très récemment. Et je vous propose Every Little Thing, un mix des prises 6 et 7, ainsi que I Need You, la première prise. C'est sur RIG. Sure, it shouldn't be like this, no. Right. None of this be right. It's not right. When I'm walking. 1, 2, 3, 4. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. Remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me. Ooh. When I'm with her. Sorry, but you choked. No, I just burped. Norman. Actually. Norman. Yeah. This isn't right, you know, because I can't sort of get near the mic to sing. Take 7. 1, 2, 3, 4. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. Remember the first time I was lonely with

remember how I feel about you. Paul McCartney here, and you're listening to LG. Widescreen Radio. We'll be right back. 1973 sur l'album Ben on the Run. Je sais, tout à l'heure, il y avait déjà eu une chanson de 1973, mais il s'agit... Oula, il s'agissait... Pas toujours facile à dire. Il s'agissait de Live and Let Die, qui était la bande originale du James Bond, sortie en single. Voilà. Donc c'est complètement différent. Est-ce que je peux vous dire l'émission de Eric? Je suis bien embêté parce que je suis pas à la bonne page. Donc je vous en parle tout à l'heure. Désolé, hein, je voulais le préparer et puis j'ai pas eu le temps. Voici Nowhere Man, la première version, la deuxième prise sur l'anthologie 4. De 2025. Two. One, two, three, four. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Sympa aussi parce que ça vous fait une version karaoké si vous voulez chanter Nowhere Man, et puis on peut apprécier la musique qu'il y a derrière qu'on n'écoute pas forcément. On l'écoute bien sûr, on l'entend avec la chanson, mais là j'ai écouté la basse de Paul McCartney. Je suis désolé de le dire, mais c'est du beau boulot. Et voilà, Nowhere Man, la première version, et c'était très sympa. Pour Eric, ce soir, c'est un rendez-vous qui retracera les prix et les récompenses qui a jalonné la carrière de Johnny Hallyday pendant 30 ans. Seulement 30 ans. Il compte sur vous et parlez-en autour de vous, c'est les victoires et les récompenses. C'est le thème de Johnny de A à Z. Et maintenant, voici la cover. La cover, c'est une chanson chantée par Paul, John, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou que ce soit une fois les Beatles séparés, même si eux-mêmes, du temps des Beatles ou pas, faisaient une cover à leur tour. C'est pas grave, du moment que eux ils l'ont chantée, la personne qui va chanter là, ça pourrait être vous, hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais en général, c'est quelqu'un de connu. Je dis pas que vous ne soyez pas connu, mais peut-être un petit peu moins. Là, c'est Bob Dylan qui l'a sorti juste un mois avant George Harrison. C'est sa version à lui de If Not For You. Elle est sur son album qui s'appelle, je vais vous le dire, New Morning, sorti en 1970. Mais alors, je sais plus si c'est octobre pour Bob Dylan et novembre pour... Oui, il me semble que c'est ça. Octobre pour Bob Dylan, novembre, juste un mois après, pour George Harrison. Not for you, babe, I couldn't find the door. couldn't even see the floor. I'd be sad and blue, but not for you. Not for you. Babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light to shine in through. But it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. La semaine dernière, je vous ai diffusé une chanson longue et jolie, mais dans sa version alternative. Il s'agit de Nobody Loves You When You're Down and Out de John Lennon sur l'album Walls and Bridges en 1974. Je vous avais dit que je préférais la version finale, la version qui figure sur l'album. Elle est plus orchestrée et je la trouve encore plus à mettre de la chair de poule. La voici, cette version. ça me fine le cœur. Très belle chanson signée John Lennon en tout cas. Let's go back to les Beatles et l'anthologie 4. J'ai failli dire anthologie 5. Oh, si c'est dans 30 ans, je serais peut-être plus là pour vous le faire avec vous. Hein. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. Voici In My Life, la première prise sur RIG. In My Life, take one. J'avais dit. This is all heavy too. These fenders are so heavy. One, two, three, four. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends I still can recall. Attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention for a while. Come on, baby, give it all you've got. Get it to the power. For a while. need your attention for a while. Everybody needs attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention, for a while. Give me your attention for a while. Ringo Starr, plus que ses autres camarades, a eu un creux. Un creux au milieu des années 70, on va dire après Goodnight Vienna et jusqu'à cet album-là. Alors, les autres disent jusqu'en 89, quand il est devenu sobre et puis il a commencé son All-Star Band. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que en 1981, sur Stop and Smell the Roses, eh bien, il y avait de très, très bonnes chansons, comme celle-ci, offerte par son pote Paul McCartney, Attention, et il y en a d'autres de très, très bonnes. Il y en a une très mauvaise. Et pourtant, c'était son truc à lui, Drumming is My Madness. Je n'aime pas cette chanson-là. C'est dommage, parce que ça aurait été bien. Et puis, Stop and Smell the Roses, celle qui a donné son nom à l'album, ces deux chansons-là, franchement, sont pas terribles. Mais les autres sont bien. Écoutez cet album. Cet album-là, ça vaut le coup. Pour moi, c'est la renaissance de Ringo Starr. Allez, l'album de la semaine, c'est l'album Anthologie. Je sais pas pourquoi. Hein. Anthologie 4, sorti en 2025, avec deux nouveaux extraits. Got to Get You Into My Life, la deuxième version. Et puis, il y aura Strawberry Fields Forever, la 26e prise. Là, on rentre dans du lourd. I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. One, two, three. Avant, 5 ans avant, 6 ans avant, et puis Strawberry Fields Forever, 5 ans avant. C'est dingue. Et là, ça vaut quand même vraiment le coup d'écouter la version finale, la version qu'ils nous ont laissée. Nothing is real, and nothing to get hung about.

Rock is good. Good. Good, good, good, good. Don't you think? John Lennon comme ça, j'aime beaucoup le John Lennon rock and roll en 1975. Dans quelques minutes, ce sera Johnny de 1Z et Eric, bien entendu, qui va vous parler des récompenses de Johnny, justement, qu'il a eu pendant 30 ans. Et pourquoi 30 ans? Eh bien, parce que Eric a trouvé que c'était ses pères qui le récompensaient, Johnny. On ne parle pas donc des disques d'or, sinon on aurait pu remonter jusqu'au début. Mais ça aurait été trop long, voilà. Donc ça va être très, très bien. Moi, je vais écouter. Vous faites comme vous voulez. Vous savez écouter, j'en suis sûr. Mais moi, je vais écouter. Allez, en 1981... George Harrison écrit une chanson pour son pote Ringo Starr. Et puis, alors ça c'est en 1980 parce que c'est le moment de la parution de l'album. Mais il l'avait fait en 1980. Et puis fin 1980, la mort de John Lennon. George Harrison reprend la chanson à Ringo Starr avant même qu'il ait eu le temps de l'enregistrer. Il change le set de paroles, il invite Ringo et même Paul McCartney et il rend hommage à John Lennon avec All Those Years Ago sur l'album Somewhere in England. Shouting all about love while they cheated you like a dog, and All of us. Les Beatles venaient de s'échauffer sur une deuxième version de Helter Skelter. La réverbération utilisée pour le micro a rappelé à Paul cette chanson d'Elvis. C'est la raison de la jam. On continue avec Love You Too, la septième prise. Cette fois-ci, on entend les harmonies de Paul qui ne sont pas restées dans le mix final. Voici les deux chansons. Granny Smith, take 7. This is a reduction of take 6. Enfin, comprenez. Voici la chanson, c'était avant, la jam, et maintenant la chanson. D'écouter les versions qu'on peut appeler versions de travail où ils cherchent quelque chose, s'ils peuvent enlever, rajouter. On est avec les Beatles, c'est ça qui est bien. Allez, une dernière pour la route. Get Back, la huitième prise sur RLG. She can't get back. 5 o'clock. Your mother's got your tea on. Take your cap off. Sit down. Bloody not coming in. Sur l'album George Harrison, Blow Away, et il y aura un dernier Ringo Starr, I Don't Believe You, et on fermera. De ce que m'a raconté Eric, à savoir que Maurice Chevalier avait dit à Johnny Hallyday, pour ton show, tu soignes l'entrée, tu soignes la sortie, et entre les deux, tu fais ce que tu peux. Eh bien, je soigne la sortie avec I Don't Believe You, Ringo Starr, sur le très bon album Time Takes Time de 1992.